Des Ferrari, un pic à glace, une pénurie de culottes. Cette semaine, on a maté Basic Instinct et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Basic Instinct de Paul Verhoeven. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Julie. Julie, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Julie? Je vais très bien. Fantastique. Formidable. Tu es un peu ou pas? Oui, ça m'a ça m'a émoustillé. Ouais, chercher, en fait, j'allais dire un objectif un peu plus crade et j'ai fait non, dis ouh. Oui, ça m'a émoustillé ce film. À tes côtés pour en parler, Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Ah bah, on a vu un film olé olé, hein. C'est osé, hein. D'ailleurs, c'est Greg qui avait proposé ce film-là, il me semble. Non, c'est le chapeau. C'est le chapeau, oui, non, mais c'est Greg qui avait mis le film. Oui, c'est Greg qui avait mis le film. Et sachant que Greg l'avait déjà vu, en plus. Tu sais que d'ailleurs, je suis désolé, je vais être un peu indiscret, mais en fait, j'ai regardé un peu dans le chapeau, il y avait que des papiers Basic Instinct. Ils les avaient tous remplacés. Putain, mais c'était déjà truqué dès le premier coup du chapeau, c'est pas possible. Écrit au Stabilo Rose avec des stickers. À tes côtés, Barbara. Bonsoir, Barbara. Bonsoir, tout le monde. Comment vas-tu? Bonsoir. Très bien. Toi aussi, tu es émoustillée par ce film? Complètement. Et enfin, Greg. Bonsoir, Greg. Bonsoir. Comment ça va, Greg? Très bien. T'es content qu'on ait maté ton film de merde? Je m'en réjouis. Vous avez bien souffert, j'espère. Je pense que c'est le plus émoustillé de tous. Hein. Moi, je voulais le mettre en accéléré, mais pour des raisons évidentes, je ne l'ai pas fait. Il faut quand même préciser aux auditeurs que pour Basic Instinct, on enregistre sans sous-vêtements. Donc, cette semaine, on a parlé de Basic Instinct, sorti en 1992, de 127 minutes avec Michael Douglas et Sharon Stone. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. 31 stab wounds, or was it? Ice pick. I'd like to speak to a Miss Catherine Trammell, please. Is she a suspect? She's a suspect. I wanted to write a book about the murder of a retired rock and roll star. You know how she does the boyfriend? With an ice pick. She intended the book to be her alibi. I picked him up, and I had sex with him. You didn't feel anything for him, just had sex with him for your book. In the beginning. Then I got to like what he did for me. You like playing games, don't you? What is love? C'est la musique du Queen en 90, quoi. Mais elle sort d'où, cette musique? Elle est peut-être pas dans le film. Elle est pas dans la scène de boîte de nuit? Ah, peut-être, ouais. Bah, le truc de Saturday Night Live avec Jim Carrey, si, ouais. Mais pas là. Donc, voilà, désolé de la mettre en anglais, mais je l'ai pas trouvé en VF, la bande-annonce. Bon, on l'a coupé. Comme aucune, d'ailleurs. Ouais, mais tous ces films des 90, en fait, je les trouve pas. Donc, la musique du film, elle n'a rien à voir avec ce qu'on a entendu. Elle est très, très cool, d'ailleurs. Ouais. Qui résume le film? Allez, moi, je me lance. Ouais. Ouh. C'est de faire un ou plus dans le thème quand même. Voilà. Donc on envoie Michael Douglas enquêter sur un meurtre qui a eu lieu. D'ailleurs, c'est la première scène du film. On voit le meurtre, on ne voit pas le coupable, mais le meurtre est bien particulier puisqu'on retrouve un. Non, on ne sait pas vraiment si c'est. On voit les seins du coupable. On voit les seins du coupable. Mais Greg l'a tout de suite reconnu. Moi, j'ai vraiment cru que c'était elle, hein, tout le long du film. Hein. Bon, après... Non, mais Greg, en fait, il voit même la scène de dos où on voit sa descente de rein. Il fait, mais c'est Sharon Stone. Et en gros, c'est une femme qui a tué donc l'homme avec qui elle faisait l'amour pendant le coït. Et du coup, Michael Douglas est envoyé pour enquêter sur cette affaire. Et il se trouve que la première suspecte, c'est la partenaire sexuelle du personnage qui est mort et qui a elle-même écrit un livre où elle avait déjà décrit le meurtre qui vient d'avoir lieu. En gros, voilà. Bon alibi, hein. Très bon alibi, justement. Et après, c'est là un peu la spirale sensuelle, quoi. Non exact, absolument. Et il y a un donc. Entre le suspect et le policier. Exactement. La suspecte. N'importe quoi. L'agent entre, entre l'agent de gendarmerie. Entre le douanier. Ah putain, c'est les douaniers d'Anthony Zimmer. De retour. La douane de Nice. Et il se trouve que cette suspecte est en train d'écrire un livre sur un policier, justement, et qui tombe amoureux de sa suspecte. Voilà. Déjà, je vous ai pas demandé votre avis. Est-ce que vous avez apprécié ce film? Au moins qu'on sache très rapidement, on en reparlera à la fin, mais... Bah écoute, moi j'avais jamais vu en fait. Ouais. Basic Instinct. Et c'est ça ton avis? Génial. Et toi alors, Julie? Moi je l'avais déjà vu. Non mais j'ai trouvé ça pas mal. Je trouvais que l'intrigue était prenante. J'ai été blousé à la fin, comme on dit. Oh. Et toi, Greg? Bah pff, non, moi j'ai trouvé ça un peu long, un peu nul. Tout est basé sur les scènes de cul et après tout est basé sur des dialogues qui sont tout le temps ambigus tout le long. Donc c'est super fatigant. C'est parce que t'as regardé ça avec ta sœur. Non, j'ai regardé ça avec ma petite nièce. Qui vient d'avoir 3 ans. Et toi, Barbara? Alors moi je l'avais jamais vu. J'avais juste vu le fameux extrait. Et j'ai bien compris pourquoi. Mes parents en 92 ils m'ont pas emmené voir Basic Instinct. Mais t'avais quel âge en 92? Bah, j'ai 32 7 ans. Ans. 7 ans. Moi j'avais jamais non, vu ce film. Non, 13 ans. Attends, je sais plus. C'était. Attends, laisse Barbara. Je vais te laisser chercher sur l'âge. Prends la calculatrice. Ça va dans 40 minutes. Attends, non, j'ai 14 ans. J'avais vraiment 7 ans. Pardon. Et je l'avais jamais vu. Et c'était un enfer. Ah ouais, j'ai trouvé ça, putain, c'était long. Moi je l'ai vu en VF en plus pour les besoins de cette émission. Ouais, moi aussi. Le doublage, il est vraiment catastrophique là. En plus, c'est toute l'équipe habituelle des doubleurs. Ouais, mais ah ouais, non, mais là ils sont dans tous. Il me semble qu'il y a le doubleur du barman dans les Simpsons à un moment donné. Ouais, c'est vrai, hein. Il y en a un paquet, il y a même le mec de Seyark à part un moment, il y a Eddie Murphy qui est là, il y a tout le monde. Ah ouais, non, mais ils sont tous là. Et je l'ai trouvé vraiment pas ouf. Et parce que c'est que de l'attention et tout, et enfin d'ailleurs j'ai un extrait audio qu'on écoutera plus tard, mais vraiment il y a des moments il le double comme un nanar, c'est pas possible, et ça dure 2 heures, c'est trop long, c'est long, hein. La seule force du film, c'est la musique décroché, quoi. Qui est exceptionnelle, ouais. Et l'attention, j'avoue que j'avais pas deviné la fin. Moi je vais être l'avocat du diable, parce que pour le coup moi j'aime vraiment beaucoup ce film, voilà. Non, c'est faux. Moi j'ai bien aimé aussi, mis à part le fait que je sais plus quel âge j'ai. et j'ai bien aimé, mais en revanche j'ai absolument pas compris, quoi. Moi je trouve ça assez, scénaristiquement je trouve ça vraiment assez poussé et assez bon, et je trouve que les dialogues sont super bien écrits. Si, c'est vraiment très très bien. Mais non, mais les dialogues, il y a du suspense. Non mais en fait moi je trouve ça vraiment bien. Vraiment, il y a 2 heures du film, le film ne commence jamais. Il va commencer à partir de 1h30 à peu près. Parce qu'à la fin, t'as des dénouements qui arrivent. Mais la première heure, putain, mais c'est d'une lenteur, ça. Moi, j'ai trouvé ça bien. Et pour le coup, je l'avais déjà vu et j'étais contente de le revoir. Mais j'ai une petite remarque sur le doublage, c'est qu'en fait, j'ai un vrai problème, c'est que c'est les mêmes doubleurs qu'Hot Shot 2 et qu'il y a une scène qui est exactement similaire avec Hot Shot 2. Oui. Et du coup, ça marche très très bien, quoi. Mais j'ai pensé à ça pendant la moitié du film, en fait. Mais Hot Shot est un vrai problème pour ce podcast. Dès qu'il y a un film, et ça ressemble à un truc que je peux reprocher au film, c'est que j'aurais plutôt vu Andrew Manoff dans le rôle de Charlton. Mais à part ça, j'ai bien aimé. Donc le film s'ouvre donc sur cette superbe musique tout de suite. Donc t'as le thème de Sharon Stone là, le truc. Et t'as le générique de fin au début, en fait. Et c'est le seul film où tu lis le nom du costumier avant de l'avoir vu. Ah ouais, j'ai trouvé qu'il y avait tous les noms au début. Pour un film où tout le monde est nu, quoi. Oui, voilà, costumé personnellement. Ouais, bon, déjà, tu mettras pas de culotte. Hein. Il y en a plus en stock. Et donc, ça s'ouvre sur la scène d'assassinat. Donc, oui. Donc, tu vois effectivement un acte sexuel en direct, filmé par le plafond, parce qu'il y a un miroir au plafond. Ouais. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais eu. De miroir au plafond. Et là, elle va tuer le gars. Parce que du sexe filmé, t'as déjà fait ça. Mais c'est moi dans cette scène. Vous avez pas baisé Sharon Stone, les gars. Et là, elle va tuer le gars. C'est Antoine le poète. Elle va tuer un gars avec le pic à glace. Et elle va pas lui mettre un coup vite fait, quoi. Elle va lui en mettre 27 dans la tronche. Ouais. Parce que, au bout d'un moment, c'est dégueulasse. Ouais, mais c'est cool. Bah oui, mais on y va. Attends, il y a pas de raison de montrer plein de sexe et pas montrer plein de sang. Et ça va, on est pas. Alors, moi, j'ai déjà une question, en fait. Bah, moi aussi. Ah oui? On fait un Shifumi. Moi, j'en ai une aussi, tiens. J'en ai une. Je vais commencer d'ailleurs. Non? Est-ce que la bibliothèque s'est trompée cette semaine? Non, c'est bon, j'ai eu le bon film. Bon, c'est très grand. C'était ma seule question. Mais moi, ma question, c'est qui utilise un pic à glace pour faire ses glaçons? Mais c'est clair. Moi, j'ai jamais vu de bac à glaçons à l'époque en 90. J'ai jamais vu de pic à glace de ma vie. En fait. Mais surtout que moi, je comprends pas la différence entre un pic à glace et un tournevis. Vraiment, quoi. Ouais, on dirait que c'est pas la même chose. Ouais. C'est exactement la même chose. C'est pointu, un pic à glace. Il y a une scène où elle l'utilise, c'est hyper chiant parce que tu tapes le bloc de glace, il y en a partout. C'est incroyable, ça te fait des glaçons énormes. C'est pas pratique, j'ai essayé du coup. Mais je crois que c'est pour boire ses cocktails dans des verres géants en fait. Ouais, des gros morceaux de glaçons à l'intérieur. Elle dit à un moment qu'elle aime pas les choses lisses. D'accord. Ah oui, bah oui, d'accord. Elle préfère avoir des icebergs dans son verre. C'est pas une meuf qui suce les glaçons, quoi. Moi, je me suis demandé comment... Je sens que ça va être poétique ce soir. Moi, je préviens, parce que je suis pas à deux, trois conneries qui vont tomber de ma bouche, donc je m'excuse par avance, quoi. Moi, je me suis demandé comment le gars, il s'est pas rendu compte qu'il y avait un pic à glace dans le lit. Genre, c'est quoi le truc tout froid qui a... Parce que, allez, le non, mais attends, tout à l'heure, j'ai prévu de faire des burritos, ça va. Le pic à glace, il est planqué dans le pied, quoi. Genre, qu'est-ce qu'il fait? Genre, elle le planque avant. Genre, je crois, j'espère qu'il va pas tomber dessus, qu'il va pas arracher les draps. C'est pareil, il y a tout un subterfuge pour accrocher le gars au lit. Le mec, ouais. Mais en fait, le mec, il tient déjà le truc, en fait. Oui. C'est-à-dire que tu sais, elle le met pas dans une position où il est potentiellement plus dominé qu'avant, il était déjà accroché comme ça. Mais surtout, pas qu'il se défende quand elle lui balance des coups de pique à glace dans la gueule. Enfin, ouais, mais je pense que déjà, t'en prends un, t'es pas bien, hein, tu vois. C'est pour être tranquille les 26 autres. En fait, elle l'attache avec une espèce d'écharpe en soie. D'ailleurs, dans la... moi j'ai vu les bonus à la bibliothèque. En fait, à l'origine, elle devait l'attacher avec une écharpe de la JOCR. C'est beaucoup moins glamour d'un coup. Mais d'ailleurs, elle devait porter le bob pour pas qu'on la reconnaisse. C'était Giroud. Moi, je vous propose de faire le podcast sur cette première scène parce qu'après, on n'a plus rien à dire. Donc, allons-y. Par contre, là où j'ai trouvé Verhoeven fort sur cette scène, c'est que moi, je me suis tout de suite, elle le tue avec un pic à glace, donc c'est un barman. Je m'attendais à ce qu'elle l'assomme avec un shaker. Donc après, pas du tout. L'enquête commence. Donc là, introduction des 5 flics de San Francisco, parce qu'il n'y a que eux jusqu'à la fin. Non, il y a 200 dans la baraque. Ouais, non, surtout, nombreux. Voilà, je suis pas d'accord, c'est quand même la scène de crime la plus remplie de figurants de l'histoire des films de crime, quoi. Ils sont vraiment 30 à observer le mec. Bon, ok, il est à poil, tu vois, je comprends que ce soit un événement. Mais de là à venir à 30 pour observer un corps. Il y a je sais pas si on fait gaffe à la baraque. Donc le mec qui est mort, on dit que c'est une ancienne rockstar qui était un peu dans la politique et tout. Moi, j'ai plus trouvé que c'était le chasseur dans Jumanji, parce que le mec, il a que des artefacts africains dans tous les sens. Genre, il a tué des bestioles de safari dans la baraque, elle est hyper bizarre. Et c'est la seule fois dans ce film où on va voir un pénis, je vous le dis. Parce que... Il y a toi qui l'a vu, moi je l'ai pas vu. Non, mais je vous le dis parce que c'est des anecdotes, parce que je sais que Paul Verhoeven voulait absolument mettre un pénis et que Michael Douglas a refusé de faire un full frontal. Et en fait, il a quand même. Full frontal. Ah bah, Julie connaît bien les termes techniques. Michael, t'es chaud pour le full frontal? Michael, sur le plateau 2, on t'attend pour le full frontal. J'ai lu pas ce costume avant. Et du coup, il a pu mettre que la bite du cadavre. Que la bite du cadavre. Ah oui, parce que tu vois la bite du cadavre. Mais moi j'avais pas vu, je suis hyper déçue, quoi. Ouais, ça t'aurait pu de voir une bite de cadavre. Je sais pas si j'ai remarqué, mais il y a un black dans ce film, c'est un flic. Ouais. Et c'est le premier rôle d'Omar Sy au cinéma. Une fois que je me le suis dit, il lui ressemble vraiment, le gars. Ouais. Ouais, moi j'ai vu le black et Douglas, je me suis dit, ça y est, c'est l'arme fatale. Et alors c'est assez marrant, moi il y a un truc qui m'a vraiment fait rire dans cette scène, c'est que je crois que c'est le black d'ailleurs qui dit à Douglas, il y a des traces de spermatozoïdes sur les draps. Et là il amène ses lunettes détecteurs de sperme qu'il enfile et il voit toutes les traces de sperme sur les draps. Non mais grave, c'est franchement, c'est les mêmes lunettes que dans Star Trek, c'est d'un seul coup il voit les gens à poil et tout. Après, donc du coup... On n'a pas besoin de lunettes, nous, pour voir Sharon Stone à poil dans ce film. Ah, l'enquête commence. Allez, qui explique un peu l'enquête de Michael Douglas, qui est... Douglas. T'as vu la version indienne, toi? C'est très simple, en fait. Le mec, il sortait avec Sharon Stone, donc il va chercher Sharon Stone, donc il y va, mais en fait, il tombe pas sur Sharon Stone, j'arrive pas à dire, sur Roxy. Roxy qui est là, qui est ultra mystérieuse. Elle est ultra vulgaire. Elle est surtout très cagole, hein. Moi, je viens de Marseille, je peux le dire. Non, mais c'est surtout qu'il arrive dans cette baraque, il fait « C'est vous, Sharon Stone ?» Elle dit « Ah non, ouais, je suis Roxy. Ok, on s'en va. » Non, mais tu vois, personne lui pose de questions. « Qu'est-ce que tu fous dans cette baraque ?» Tu vois. « Ok, ben nous, on cherche Sharon Stone, en fait. » Mais et du coup, non, mais c'est elle qui lui dit « Elle habite là-bas, tu peux aller lui rendre visite, mais... » Tu perds ton temps parce que c'est pas elle. Oh bon, d'ailleurs, c'est pas elle. C'est un peu une enquête aux rivières pourpres, ça. Bah du coup, moi j'ai coupé le film. Ah, parce qu'il y a pas arrivé de suite. C'est pour ça que j'ai pas trouvé ça long. Et donc il rend une visite à Sharon Stone qui arrive, qui est là tranquillou en train de fumer une clope au bord de la mer et tout. Elle est dans une baraque hallucinante, en fait. Et surtout, attends, riche. Ils lui préviennent de la mort de son compagnon avec aucun tact. Ils lui font direct. C'est vous la meuf de machin parce qu'il est mort. En même temps, elle en a rien à foutre, hein. Elle dit bien qu'elle était pas amoureuse. Oui, mais et qu'il imagine, elle était amoureuse. Elle était déjà au courant, en plus. Oui, en plus, parce c'est que Roxy. Roxy. Et il y a le. Et elle réussit à caser le mot baiser environ 4 fois dans la même scène. Alors qu'elle a devant elle des flics. Ouais. Ça, ouais. Et surtout, après, ils vont faire. Vous dites que c'est pas vous. Bon, bah, on s'en va alors. Mais tu sais, elle les dégage. Non, mais il n'y a rien de plus poussé. Ouais, enfin, Michael Douglas est quand même persuadé dès le début que c'est elle. Mais ouais. C'était plutôt maigre comme interrogatoire. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle est ultra sûre d'elle pour une nana qui a laissé de l'ADN partout, quand même, dans la piole, quoi. Oui, alors. Enfin, bon. Je me suis renseignée aussi, ils voulaient pas prendre en compte les histoires d'ADN, sinon c'était complètement. Sinon ça marche pas du tout. Donc voilà. Ouais. Donc ils ont fait comme s'il n'y avait pas encore cette histoire d'ADN dans les enquêtes de police. Dans le script initial, en fait, tous les policiers sont aveugles aussi. Parce que là, c'est... Ils n'ont pas voulu prendre non plus l'histoire d'intelligence, parce que si le flic était intelligent, il n'y aurait pas d'histoire non plus. Quoi, tu vois. Ils ont fait un appel à Luc Besson en fait, pour tous les flics. Après, il y a l'intrigue donc, avec le psy. Oui. Et donc c'est là où on découvre. Le psy qui fait vachement avancer l'enquête parce qu'il dit, en fait, il fait un premier conseil, il dit alors, ça peut être elle. Mais ça peut ne pas être elle. Merci, docteur. Bravo. Ouais, il y a surtout la réplique la plus classe de Michael Douglas qui montre sa main au moment où on lui demande comment ça va, sa vie amoureuse, tout ça, et qui dit « je commence à avoir de la corne ». Et d'ailleurs, on voit qu'il est gaucher. À force de me toucher, en fait. Ouais, alors, pour la ça, c'est vraiment pas très classe. L'image a été inversée, en fait, il est vraiment droitier. La petite anecdote de tournage. Non, mais en gros, voilà, donc je réexplique ce qu'on avait dit dans le résumé, mais elle a écrit des livres. Il y a 5-6 ans, où elle décrivait précisément cette scène où la meuf tuait son mec exactement de cette manière-là, avec un pic à glace et tout. Limite, les prénoms sont similaires. Enfin, tout est similaire. Dans le bouquin, il y a même Michael Douglas qui fait l'enquête. Et du coup, on dit, bah, c'est elle. Mais ça pourrait ne pas être elle. Oui. Mais ça pourrait être elle. Donc ça fait pas du tout avancer le truc. C'est ça tout le long. Donc là, oui, mais c'est ça qui est intéressant. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Bah non, moi, c'est ça. Et qui sait qui arrive dans ce film et le qui mec donc de Jurassic Park. Égalité avec Laurent Lafitte. Il apparaît trois fois dans Il apparaît trois fois dans 2 heures de perdu, ouais, comme Laurent Lafitte. Un match serré. Hein. Donc le mec de D'ailleurs, Jurassic Park. Il s'appelle comment ce mec? On a jamais. Enfin, moi je connais pas son nom, cet acteur. Julie? Non, je l'ai pas non plus, désolé. Tu l'as pas? Non. Et donc là, pour moi c'est. Vous n'avez pas dit le mot magique. Vous n'avez pas dit le mot magique. On sait pas s'il sait conduire dans ce film parce qu'il ne va pas conduire. Il va juste rester dans les bureaux. Il va faire la scène d'entretien. Pourquoi tu voudrais qu'il conduise? Parce que dans Jurassic Park, il conduit vraiment comme un piège. je n'avais pas fait le lien. Mais alors, avant de faire la scène d'entretien, ils vont chercher Sharon Stone chez elle. Oh, elle est trop bien, cette scène. J'ai trop envie d'en parler. Vas-y. Bah, du coup, elle est obligée d'aller se changer. Et donc, elle va se changer dans sa chambre et elle se coiffe le chignon banane le plus rapide de l'histoire des coiffeurs de cinéma. Quoi. C'est-à-dire qu'elle en a pour 10 secondes, elle enfile une robe où elle ne met pas de sous-vêtements, elle met juste sa robe. Et en fait, elle avait les cheveux tout lâchés et elle se retrouve avec un chignon banane parfait, laqué. Enfin, je ne sais pas comment c'est possible. Moi, moi, j'en ai fait des chignons banane, j'ai été hôtesse de l'air, je sais que ce n'est pas facile et je vous le dis, c'est impossible. Vous allez me croire ou non, je ne sais pas ce que c'est qu'un chignon banane, mais j'avais écrit, chez elle, elle se fait un chignon en une seconde. Ah. Eh ben voilà. Enfin, petite parenthèse, moi, mon chignon banane, je le réussis très vite. Et ensuite, donc, c'est la fameuse scène. Alors, de Basic. Non, par contre, je veux juste revenir sur cette scène, parce qu'en fait, cette scène, bizarrement, m'a fait comprendre une scène d'un autre film qu'on a fait dans 2 heures de perdu. En fait, en grosso modo, elle se change, elle ferme pas du tout la porte. Enfin, tu vois, Douglas, il la voit, quoi. Donc, elle est déjà dans la séduction. Et il y a surtout 45 jeux de miroir aussi, pourquoi voilà. Oui, elle est déjà dans la séduction, elle veut déjà le séduire. Elle est vraiment pas mal. Hein. Et ça m'a rappelé Les Rivières Pourpres avec l'ophtalmo qui change. Il se retrouve en slip devant le flic. En fait, il voulait le séduire. Probablement. Il voulait séduire Vincent Cassel. Il s'est fait un chignon banane aussi. Et donc, après, c'est la fameuse scène de l'entretien, la scène de Basic Instinct qui a été reprise et parodiée des milliards de fois, dont La Cité de la Peur. Alors, moi, j'ai une chose à dire sur cette scène. Alors, vas-y. Alors, en fait, elle est en entretien. Donc, il y a le mec de Jurassic Park. D'ailleurs, il y a 5 flics devant elle. Ouais. Et ils vont l'interroger et elle s'allume une clope. Et ils lui font remarquer, c'est interdit de fumer ici. Et elle dit, dans la VF, en tout cas, en VF, voilà, elle dit, vous allez me coffrer pour fumage prohibé. Alors, moi, ça m'a un petit peu interpellé, le terme fumage. Je suis donc allé voir dans le dictionnaire, je me demandais si ça existait, et ça existe. J'ai le terme, enfin, j'ai la définition. Fumage, c'est dans le Larousse, hein. Oui. Action de soumettre les viandes et les poissons. préalablement salé à l'action de la fumée de bois en vue d'assurer leur conservation et leur aromatisation. Donc j'ai tout de suite imaginé Sharon Stone en train de fumer son jambon. Quand vous allez me coffrer pour fumage de jambon prohibé. Elle est en train de faire fumer ses saumons dans le fond. Déjà, donc la scène d'interrogatoire, c'est une espèce de pièce très particulière avec un éclairage bleu complètement c'est bizarre. La plus, ouais. C'est la plus grande pièce d'interrogatoire de l'histoire du cinéma. Quoi. Ça fait 45 mètres carrés, tout va bien. Ils sont, ils sont en Californie. Hein, y a ils sont 15 000 dedans. Ils sont 5 mecs devant elle, qui est à poil. Et qui raconte n'importe quoi. Il ne pose aucune question cohérente et elle répond complètement à côté. Mais en vrai, au bout d'un moment, enfin, je pense que si je reprends l'exemple de la douane de Nice, Prends un coup d'annuaire. Non, mais les mecs, ils arrivent à mettre un coup d'annuaire au bout d'un moment, quoi. Ouais. Tu vois, oui, mais c'est justement tout l'intérêt, c'est qu'ils sont fascinés par cette entrejambe qui va nous être dévoilée. Ouais. Et là, débat. Voit-on ou ne voit-on pas? Moi, je trouve qu'on voit tout. Qu'on demande à l'expert du temps dans les films, c'est-à-dire Greg, mais c'est pas moi, l'accélération et le ralenti. Bah, moi, je crois que j'étais un peu à l'accéléré, je suis même pas revenu dessus, quoi. Je m'en foutais, en fait, quoi. Toi, t'as vu, moi j'ai rien vu du tout. Quoi. Mais si, on si voit je crois qu'on voit un peu. Moi, je pense que. Et d'ailleurs. Moi, je pense qu'on la voit pas. En fait, je pense qu'on la voit, mais comme elle est en position de stature complètement droite, on voit rien. Alors, en fait, juste. Mais. Oui, pour avoir fait les commentaires un petit peu, il y avait des mecs sur Amazon qui disaient ouais, vive le Blu-ray, on voit enfin l'entrejambe de Charlotte, grosso modo, c'était un peu ce qui était dit à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, moi j'ai une anecdote sur cette scène, parce qu'il y a un vrai débat dans le milieu du cinéma qui est que, à la base, soi-disant, en fait, Verhoeven lui aurait dit que, vu l'angle de la caméra. Que vu l'angle de la caméra, ça se verrait pas et qu'elle pouvait le faire, et voilà. Et soi-disant, c'est sa version à elle. Et la version de Verhoeven, c'est qu'il lui avait dit, et qu'à la première diffusion, l'agent de Sharon Stone a dit « ça va flinguer ta carrière, fais retirer cette scène du film et tout ça ». Et que du coup, elle aurait dit qu'elle n'était pas au courant, enfin, comme ça. Donc, gros débat, quoi. Est-ce que Verhoeven aurait manipulé Sharon Stone? Sharon Stone aurait manipulé Verhoeven? Moi, je suis quasiment sûr que non, en fait. Je sais pas. Je fais pas confiance à Sharon Stone. Moi non plus. Franchement, tout le long du film, elle est quand même bizarre. Elle est, ouais. Alors, du coup, moi, je fais plus confiance. C'est une manipulatrice. Ah, et c'est surtout qu'elle arrête pas de proposer des cigarettes à Michael Douglas. Elle bosse chez Marlboro ou quoi? Alors, il faut savoir qu'au terme de cette scène, elle a eu un cancer de la gorge. C'est cool. Non, par contre. Elle fume 693 clubs dans cette scène. Par contre, Michael Douglas, oui, a eu un cancer de la gorge et de la langue. Ouais. Ah, je savais pas. Mais oui. Paix à son âme. Après, c'est un petit détail de la VF, mais ça m'a quand même fait rire. Après, donc ils vont dans un bar. Donc là, déjà, il commence à y avoir une petite tension et tout. Qu'est-ce qui se passe et tout. Ils sont dans un bar. Et là, t'apprends quand même qu'il a un passé un peu sulfureux. Douglas, il a quand même fait des conneries. Apparemment, il a tué 19 personnes dans des accidents en tirant avec son flingue. Alors, il a fait des bavures. Ce qui est marrant, c'est que des touristes. C'est quand même bizarre. Moi, je trouve ça louche. Non, il a fermé deux touristes. Ah, deux touristes. Mais c'est juste qu'il y avait plusieurs coupures de journaux, en fait, Mickaël. Tu n'as pas à les additionner à chaque fois. Ouais, bon, le mec, il n'est pas une bavure. Et surtout, à chaque fois, il fait des premières pages de Libé, tu sais. Mais cette scène dans le bar, elle est vraiment nulle. Et surtout, elle commence par cette petite phrase que moi, j'ai hurlé de rire. Il s'assoit et t'as le barman qui fait « Une Evian, Nick ?» Oui. Il boit de l'Evian. Oui, et lui fait « Non, un double Jack, là, je suis saoulé, là. Ouais. » Alors, t'as vu que c'est d'ailleurs le bar où toute la police se réunit, hein. Va boire des coups à la fin du service. Ouais, c'est celui où faut pas aller se brûler la gueule parce qu'en fait, je vais choper direct. Moi, ce qui m'a fait marrer aussi juste avant, c'est qu'ils la font passer à l'interrogatoire, au détecteur de mensonges. Et que, donc, forcément, vu qu'elle est ultra sûre d'elle et tout, son pouls ne bouge pas et tout. Et le mec lui dit, on ne peut pas tromper la machine. Ah bon? Bah, on peut pas tromper la machine. Donc, c'est pas elle, d'accord. Non, c'était pas elle. Je trouvais ça un peu débile, quoi, non? Bah, j'ai arrêté le film maintenant. Moi, c'est pareil, je trouve ça intéressant parce qu'il dit, on peut pas tromper la machine. Et Michael Douglas répond, il y a des gens qui ont trompé la machine, sous-entendu, moi, j'ai trompé la machine quand on me l'a fait passer, quoi. Enfin, moi, je trouve ça vraiment cool, quoi. Ah bon? Bah oui. Ok, j'arrête mon entrain, j'arrête. Après la scène, en fait, donc dans la scène du bar avec les flics, il commence à se friter avec un autre flic, et il y a sa psy avec qui il couche visiblement, qui vient s'interposer. Son ex, plus ou moins, non? Ouais, son ex. Son plan cul qui voudrait bien que ce soit plus, mais que elle, que lui, il veut pas. Enfin, bref, histoire de la vie, quoi. Il rentre chez lui avec elle. Ouais. Donc il y a une fameuse scène où là c'est un peu violent, en fait. Deuxième scène, c'est clairement une scène de viol. C'est un peu violent. Ouais. J'ai remarqué, en fait, ces fringues, ça j'ai vu ça dans le making of, c'est en fait ces fringues étaient en papier crépon. Il les arrache, tu vois, mais il arrache son soutien-gorge, il arrache tout à toute vitesse. Et alors, il est hyper sauvage, quoi. Ouais, il est complètement sauvage. C'est pas le genre de scène que je verrais dans Titanic, par exemple. Mais après, il dit, enfin, elle lui pose l'action, elle fait, qu'est-ce qui t'arrive? Je te trouve plus sauvage que d'habitude. Ah bah ouais, là ça va quand même. Tu vois, le stade du dessus, c'était le pic à glace. Et surtout, Moi, ce qui, enfin, tu vois, c'est pareil dans le film. Tout le monde commence à lui dire, mais Nick, qu'est-ce qui va pas et tout. Le mec, il vient quand même de violer sa meuf. Et en vrai, il a vu Sharon Stone que deux fois. Tu vois. Ah ouais, mais il devient très vite déglingot. Non, mais il est complètement déglingot, ce gars. Il lui a parlé deux fois Sharon Stone. Pour l'instant, il y a encore rien entre les deux. Enfin, il lui a parlé deux fois, dont une fois où elle lui a montré sa chatte dans une salle d'interrogatoire. Tu vois, enfin, il le rend un peu fou, quoi. C'est pas comme si elle l'avait vu deux fois au café et qu'ils avaient échangé sur le match de la veille. Elle s'est changée. Ouais, franchement, c'est pas une raison pour monter dans les tours. après, il y a la scène de poursuite en bagnole. Ouais, qui sort d'absolument nulle part. Ouais, bah, en fait, fallait utiliser la Ferrari et puis l'hélicoptère qu'ils avaient loué. Les trois Ferrari. Bah, c'est surtout que. C'est trop cool, hein, les mondiales. C'est surtout qu'à mon avis, il devait être espion parce qu'il est d'une discrétion absolue. Du coup, voilà, c'est-à-dire qu'il va. Elle roule comme une tarée déjà. Il est complètement grillé, quoi. Bah, il est complètement grillé, ouais. Non, mais surtout, je sais pas, grillé, mais je sais pas comment il est assis, surtout, quoi. C'est une espèce de route d'étape de Tour de France. Oui, c'est vrai. Qui, à mon avis, ne mène qu'à sa maison et c'est la route la plus fréquentée du monde. T'as trois poids lourds, t'as des trucs dans tous les sens. Justement, ça a été tourné au Mont Ventoux en pleine étape, hein. Sur les bords de la route. T'as Gérard Rolfe, c'est un moment que t'aperçois derrière, dans la caravane. Tu voulais dire quelque chose, Julie, pardon. Non, c'est bon. Que Sharon Stone avait un maillot à poids, d'ailleurs. Lui, je sais pas comment il est arrivé à la suivre avec sa bagnole de merde. Oui. Ah, c'est une gros, jolie. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elle arrive à le semer, mais lui, il va la retrouver en centre-ville. Parce que bon, c'est quand même plutôt improbable, parce qu'en fait, elle garde sa caisse en plein milieu du truc. Ouais. Lui, il repère la maison. Et après ça, elle, pour rentrer chez elle, elle se re-enfuit. Ça n'a aucun sens, elle va rentrer chez elle. Mais parce qu'elle, parce qu'elle sait aussi qu'il la suit. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça, quoi. Que mais ça sert à rien de prendre des risques inutiles, là. Sachant que tu vas rentrer chez toi, tu peux y aller tranquille ou il va te suivre. Non. Mais là, on apprend. C'est un jeu, je pense, comme une débile, parce que à chaque fois qu'elle prend sa caisse, elle fait n'importe quoi, quoi. Bah, elle roule n'importe comment, oui. Et c'est là qu'on apprend qu'en fait, elle est allée chez une ancienne tueuse en série, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Qui a tué une femme qui a tué son mari et sa famille enfants, ouais. Avec un couteau, vous avez noté, qu'on lui a offert pour son mariage. Mais qui offre un couteau en mariage? C'est la question, quoi. Attends, dis pas ça, je vais offrir un couteau à mon mec pour son anniversaire. Ouais, mais pour un mariage. Heureusement, lui a volé. Fais gaffe à toi, hein, dans 10-15 ans. Ça va. Heureusement, on lui a volé pour son anniversaire, c'était cool. Et donc, du coup, le mec dans Scarface, on lui a offert une tronçonneuse pour son mariage. Là, t'as. J'allais dire Corrie. Là, il y a une scène, où elle retourne chez elle, et là, il n'y a absolument pas de vis-à-vis. Hein. Ah ouais, elle a une très très grande baie vitrée. Hein. Ouais, elle l'utilise bien d'ailleurs, on sent qu'elle veut se montrer, quoi. Et elle est à poil, là, tranquille chez elle. Ouais, thanks. Et je sais pas, j'ai remarqué, il y a toutes les lumières de sa maison allumées. Mmh. Elle s'arrive, elle appuie sur un interrupteur, tout s'éteint. Tout a été centralisé, ça éteint le four, ça éteint. et puis là, Michael Douglas, il rentre chez lui. Et là, il se fait une petite time cop. Il rentre chez lui, picole devant sa télé en regardant des films de famille. Vous avez remarqué, il regarde un film d'horreur dégueulasse. Ouais. C'est quoi le film, tu sais pas? Je sais pas du tout. C'est un vrai nanar. Ouais. Alors moi, ça me rappelle les jeudis de l'angoisse sur M6. Et tous les jeudis, passer un film, souvent c'était des nanars. Et il s'est endormi un jeudi devant sa télé, visiblement. Et donc il y a sa psy qui arrive. Mmh. Et qui s'engueule parce qu'elle est amoureuse de lui et que lui, il s'en bat les steaks depuis qu'il a rencontré. Non, c'est surtout parce qu'il la soupçonne de lui avoir vendu les infos, en fait. Déjà? Bah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Mais ça, c'est pas mal fait. C'est-à-dire que tu commences à t'apporter un peu tes soupçons sur l'une des deux. Tu dis, bon, c'est Roxy, c'est Sharon Stone, c'est la psy, tu sais plus trop. Alors... Oui, parce que son dossier a été partagé parce qu'on s'aperçoit que sa femme s'est suicidée à cause de lui et que Sharon Stone était au courant. Et il pense que sa psy donc, a divulgué son dossier à quelqu'un qui l'a donné à Charles. Qu'elle a mouché, qu'elle a capté. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'après, il va voir son boss et il va l'agresser littéralement alors qu'il pourrait juste lui expliquer la situation. J'ai l'impression que quelqu'un a vendu mon dossier et tout. Ah non, parce que je pense que c'est le boss qui l'a vendu. Ouais, c'est pour ça qu'il l'agresse. Je pense que le boss la réclame à la psy et ensuite il pense que le boss l'a vendu à Charles. Mais je pense qu'en fait, c'est la conclusion du film. Mais déjà, on commence déjà à nous donner des pistes sur ce truc-là, c'est qu'en fait, Michael Douglas est un très très mauvais flic. Enfin, tu vois, il fait tout comme il ne faut pas faire, quoi. Bah, c'est clair. Oui, mais... Enfin, moi, j'ai lu le code d'honneur des flics de San Francisco et il n'y a rien d'écrit là-dedans. Et après, il y a ma scène préférée, moi, du film, qui est le club Coquelande de 1990. Attends, il y a juste avant, t'as le running gag où Michael Douglas est pris en entretien. Oui, bah non, mais oui. Déjà, il y a le meurtre du flic. Et moi, ce que je trouve très très drôle, c'est qu'on l'appelle. Donc, même si, soi-disant, il s'est fait virer la veille et tout, donc tu te dis, oh, on l'appelle parce qu'il est flic. Non, en fait, on appelle les coupables, en fait, maintenant. C'est venez sur la scène de crime. Le on suspect, croit que vous êtes les suspects. Ouais. On pense que vous êtes suspects, venez, quoi. Nouvelle méthode de flic très intéressante. Ouais, donc le flic qui est censé avoir vendu les trucs se fait tuer. Donc, forcément, il est suspecté, Mel Gibson. Et là, il va. Mel Gibson. C'est pas l'homme fatal. Douglas, il est suspecté. Et donc, il passe un entretien. Exactement. Comme Charlotte, moi ça m'a fait marrer. Mais oui, mais c'est ça qui est génial. Mais non, c'est ça qui est trop bien et ça qui est bien écrit. Non, mais pour ça que c'est dit, c'est drôle. Mais non, moi je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord. Il y avait une scène à la base, il avait un kilt et il faisait la même chose. Non, justement, ce qui m'a fait marrer, c'est que j'imaginais trop sans culotte avec les roubignoles qui pendent. Moi je trouve ça très bien foutu. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut parler de ce fameux club quand même? Attends, parce que d'abord, il l'a fait monter. J'avais noté Roubignol qui pend. Hein. Je l'avais mis. Parce qu'il y a une scène quand même où il a fait monter Sharon Stone chez lui pour la première fois. Et moi, j'ai noté, il l'a fait monter chez lui pour briser la glace. Oh, voilà. Et après, il y a une scène avec aussi un pic à glace. Et du Jack Daniel. J'ai cru que t'allais dire de brisage 2 et elle était en train d'en briser. Et c'est justement pour ça qu'il l'a fait monter pour briser la glace. Ah. Voilà. Bon là il commence à être déjà bien frappé à dingo et là il est justement et là justement il va au Drago de Rome. Et la boîte du premier mec qui s'est fait tuer. Ah ouais, ouais. C'est cool, hein. Ça ressemble un peu à une église. C'est vraiment tout ce que les années 90 ont fait de meilleur en termes de musique. Ils dansent pas mal. Ils dansent mieux dans Scarface. Ils sont super bien habillés et surtout Michael Douglas arbore ce super t-shirt en col en V. Et surtout, comment il a pu rentrer? Il y a que des déglingos avec des coupes bleues et tout machin. Et lui, il est là, pull de golf. D'un flic avec un vieux costume en tergal, il passe quand même à un mec qui a beaucoup de sex appeal là. Ah ouais, tu trouves? Bah attends, il avait un costume tout pérave, mal taillé, et là... Moi, s'il avait pas louché dans la scène où il fait l'amour à sa psy, genre, je pense que je l'aurais trouvé sexy, mais le fait qu'il ait louché, ça m'a tout cassé, quoi. Pardon, excusez-moi. Dans la scène avec Sharon Stone, il a un clavio, ça va. Mickey, c'est horrible. Et là, il y a la scène un peu, déjà, il y a de la danse sexuelle quand même dans le club. Et elle est géniale, cette scène où Roxy, la meuf donc de Sharon Stone, se tape une phase de danse à la Mia Fry. Des allers-retours. Ah, mais attends, mais avec Michael Douglas est en train de danser avec Sharon Stone. Elle a fait ça avec un espèce d'Eddie Murphy avec un costume du futur. Mais c'est tellement drôle. Mais c'est pour surveiller ça. Ça m'a fait penser à Véronique et Davina, quoi. T'aurais mis tout. Ça passait très bien. Hyper chelou. Et là, il va se passer quand même ce qu'on attend depuis 1h20 dans ce film. La base ils vont coucher ensemble. Sharon Stone roule des pelles au téton de Michael Douglas, voilà. Mais en vrai, si j'avais l'occasion, peut-être que peut-être que si c'est Sharon Stone qui me le fait. Mais en vrai. Non, il parlait de Mel Gibson. Douglas, il a vu le film ou pas, quoi. Mais en fait, la bibliothèque, elle s'est vraiment trompée. Hein. Mais le. Michael Douglas. Et là, je me suis demandé si c'était eux, vraiment. Oui, pas de doublure. Aucune de doublure. Ah ouais. Pour aucune scène, aucune doublure. Parce que là, pour le coup. Parce que j'ai reconnu Moose, tu vois. Non, c'est vraiment lui. Non, aucune doublure. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, donc c'est à partir de ce moment-là dans le film, que tu apprends que Michael Douglas, il est en train de se taper Wolverine. Parce qu'elle lui fait une espèce de traces de griffes dans le dos. Ouais, d'un coup. Et cette scène a été tournée pendant 5 jours, ce qui est énorme en fait pour scène de 3-4 jours minutes. De baisse. 5 jours. 5 jours. Mais à un moment, Michael Douglas, il fait non, mais j'aimerais quand même vraiment la refaire, je suis seul avec les potes. Vous êtes sûr qu'elle est bien? Et c'était surtout très très chorégraphié et ils les ont appelés les Ginger Rogers et Fred Astaire à l'horizontale dans le milieu du cinéma. Oh, et ouais. Belle formule. Bon, en tout cas, lui, il se laisse attacher tranquille. Hein. Bon, il a pas trop peur. Hein. On se demande pas pourquoi. Mais si, justement, il a peur. C'est ça qui est. Oui, ça l'excite. C'est pour savoir. Ça l'excite. Et c'est vraiment pour savoir si c'est elle ou pas, quoi. Si vous voulez, mais enfin bon. Toi, Greg, tu t'es jamais tapé Sharon Stone. Enfin, au bout d'un moment, il est sur une enquête. La nana l'attache, tu vois. Tu vois, il le fait pas. Quoi. Mais moi, je trouve qu'il y avait un petit côté à faire Thomas Crown en super cheap. Tu sais, genre, on va. On sait tous les deux, machin, et on va jouer avec. Et en fait, après, ça va devenir un peu n'importe quand même le. Oui, moi j'adore ces deux films. Il y a une scène juste après la baise où il y a Roxy qui arrive. Elle est vénère. Mais elle est matée. Déjà, il l'appelle Rocky. J'ai éclaté. Ah ouais, mais ça c'est tellement drôle. Qu'est-ce qu'il y a, Rocky? T'as un problème? Ouais. Alors là, clairement, il va montrer à Rocky qui c'est qui domine. Et du coup, elle est bien deg, hein, quand même, Rocky. Elle est jalouse, hein, on peut dire ça. Je me suis. Par contre, j'ai trouvé qu'il bavait beaucoup. Vous avez pas trouvé qu'il bavait beaucoup? Bah non. Enfin, ça vous a pas choqué? Non, mais ouais, les deux, ils se bavent dessus tout le temps, non? Ah bon ? Ok, non, bah c'est moi. Mais non, il n'y a pas de traces sur ses costumes. Et après, il y a... Oui, vas-y, Greg. Ouais, moi, je dis que juste après, ils vont sur la plage, là, et lui, il s'expose grave, il dit que t'es la... c'est le meilleur, c'est le coup du, le coup du siècle et tout, machin. C'est-à-dire qu'il se met vraiment, tu vois, en faiblesse, quoi. Tu vois, il est en train de faire une enquête sur cette nana, et il dit, non, mais t'es vraiment le coup du siècle et tout, moi, je suis déjà amoureux et tout, tu vois. Mais c'est quoi les bails là? Tu m'expliques? Je suis content qu'il est placé. C'est quoi les bails? Il y en a une autre à placer, tu sais. Hein. Ouais, je sais. Et il est en train de faire une enquête sur une nana qui va possiblement le tuer. Après, et lui laisse faire croire ça tout le temps. C'est ultra chiant, c'est de l'ambiguïté tout le temps. C'est que des doubles phrases comme mais ça. Oui, mais oui, c'est ça qui est intéressant. Non, mais sinon, t'écris un. Tu sais, t'appellerais mon queneau et tu fais des jeux de mots, quoi, si tu veux. Mais là, c'est pas possible. Ça, quoi. C'est, franchement, ça a été enlevé, mais dans cette scène, il lui offre un week-end en relais château. Déjà. Ah, mais tu sens qu'ils sont en couple et qu'il y a un duel entre eux, c'est assez sympa. Oui. Moi, je sais pas, j'ai pas été convaincu. Ah non, moi non plus. Après, la scène d'après, c'est une de mes scènes préférées. C'est le cowboy. C'est dans le bar country. Ah, et j'ai pensé à toi, Greg, évidemment. Parce que c'est l'occasion. J'espérais que tu mettes un petit extrait. C'est l'occasion de mettre le petit. Donc, en fait, l'extrait que j'ai, c'est pas cette scène, c'est un medley, en fait, de toutes les expressions ridicules. Et c'est pour ça quand je dis que les doubleurs ils ont fait vraiment du nanar, c'est que franchement il y a des traductions, je sais pas d'où ils les sortent. Gus. Attends, c'est pas cette scène? Et si non, genre, c'est un peu toutes les scènes du film. Et la première, c'est ce que t'as dit, c'est le blague du début qui est doublé par Eddie Murphy. Je l'ai mis parce qu'il est doublé par le mec qui doublait Eddie Murphy, ça m'a fait rire. D'accord. On écoute ça tout de suite. Il y a plein de taches de foutre sur les draps. Il y a des fois je fais pas la différence entre la merde et le cirage. Ça veut dire quoi ce que vous dites là? T'as vraiment rien de mieux à faire que de venir ici branler cette foutue machine. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire, cowboy? Je suis venu moi aussi branler cette foutue machine. Tu veux pas l'oublier un peu, nom de Dieu, et aller te faire retirer le cul au soleil? Sors-toi cette nana du cigare! Je crois pas ce que je te dis. Espèce de petit connard de merde, il a fallu que tu la dises. Nom de Dieu, mais t'es vraiment qu'un petit connard de merde! Désolé, la prochaine fois je mettrai une capote. Et j'en ai rien à foutre de tes capotes de PD! Ah, bien sûr, c'est tous les jours que je peux tringler une pétasse à cheveux bleus. C'est pas mon truc. Eh, crache pas dessus tant que t'as pas essayé. Et les renseignements, ben décembre les données. Déconne pas avec moi dans ce coup-là, j'ai pas besoin d'une maison pour t'agrafer les couilles. C'est l'IGS, il a dû l'interroger. Mais faudrait qu'elle soit plus givrée que des sapins de Noël, mon petit vieux. Plus givrée que des sapins de Noël. Je dis rarement ça, hein. Je l'ai jamais dit même. Et donc, dans la scène du dîner, on en entend un petit extrait. Gus, le meilleur ami de Mel Gibson dans ce film, et il est un peu picolé. Un peu, oui. Gus. Ouais, bah, ouais, hein. Il est un peu... Et on apprend aussi que à côté de son taf de flic, il est cow-boy, puisqu'il a un chapeau de cow-boy, une cravate texane. Ouais. Enfin, le mec, il a la panoplie. Ouais, c'est la détente, quoi. Genre, après le boulot, bah, je mets mon chapeau et puis je vais dans un bar cow-boy. C'est limite s'il a pas les veaux devant le bar. Ah, mais c'est un texan facho, en fait. Parce que dans la scène du snacking, il dit mais c'est quoi ces étrangers qui rentrent chez ouais, eux. Ouais, ouais. Il est hyper vulgos. Traite les gens de pédés aussi. Un peu homophobe. Hein. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a plein de mouvements LGBT, homo et tout, qui ont essayé d'empêcher le tournage et qui allaient manifester en fait tous les jours sur le tournage parce que. Pourquoi? Bah parce que vous avez lu le scénario vis-à-vis de l'aspect que, là, fin, que les lesbiennes soient machiavéliques comme ça, entre autres, sachant qu'en plus Michael Douglas a complètement refusé d'assumer un personnage bisexuel. On est apolitique. Ouais, mais bon. Moi je trouve ça un peu... Non, mais je vous donne les anecdotes. Je vous dis qu'ils ont failli reporter le tournage parce qu'il y avait des dinosaures aussi qui se plaignaient qu'il n'y avait pas de dinosaures dans le scénario. Ah bah à ce moment-là, chaque meurtrier hétérosexuel, on n'est pas content, quoi. Et après, c'est un chapitre, c'est un sous-chapitre qui s'appelle l'attaque de la Ferrari noire. Moi, j'ai cru que c'était K2000. Parce que les escaliers de San Francisco en montée, c'est easy, hein, en voiture. Ça, surtout avec son taco, là, ça marche mieux qu'un escalier. Au tout début, il se fait renverser, il a tous les membres cassés, mais non. Il arrive pile poil sur sa caisse. Ouais, et ça, c'est nul. J'ai noté que c'était pas mal parce que pour illustrer le fait qu'il vient de se faire renverser trois fois, quand il monte dans sa bagnole, il fait brrr, comme ça. coup, genre, ouais, ok. C'est des méthodes de tai chi pour évacuer la douleur. Oh, ça va beaucoup mieux. Et là, en fait, ce qu'elle, elle s'enfuit par la route quand même avec une Ferrari, une espèce de bolide. Il n'y a pas de bagnole qui ralentit le trafic, donc elle trace comme c'est pas permis. Lui, il passe par les escaliers de Montmartre avec une vieille bagnole. Et ensuite, ils arrivent face à face sur un pont de 1 km. Comment c'est possible? Et là, il y a le... Y a le drame. Ah, c'est le drame. Ouais. Bah, il y a Roxy qui va... Les sorties de route. Là, ça vire chaud là, pour le coup. Ça va, elle est validée, celle-là, ouais, ou pas? Je suis content, on la vise. Bon. Et donc voilà, elle va se flinguer. Donc là, ça va, l'enquête, elle va commencer à monter dans les tours. Ouais. Et parce qu'on découvre qu'il y a un lien entre la psy et Sharon Stone, qu'elles étaient à la fac ensemble. Surtout. Moi, je trouve ça pas mal parce que c'est le moment où on commence à être un peu perdu, je trouve. Ouais. On sait pas trop qui c'est. Moi, j'ai soupçonné que ce soit le pote de Mel Gibson. Je suis revenu à la première scène pour vérifier quand même. C'est pas lui qui portait la perruque. Mais mais ça c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que je pense qu'un vrai thriller de merde, ce sera arrêté là. Ils auraient fait un twist et on arrête le film là. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un twist, puis un autre twist, puis un dernier twist. Et la fin du film, c'est qu'en fait, il y en a pas quoi. Oui, surtout, Michael Douglas va rendre visite aussi à Sharon Stone et pour lui annoncer qu'elle sait déjà que Roxy est morte. Et du coup, il baise en fait, parce que c'est bien connu que pour te remettre de la mort d'un de tes ex, tu baises en fait avec quelqu'un d'autre. Surtout avec ses filles. Vous avez remarqué qu'il y a des figurants qui dansent. Genre, à n'importe quelle heure de la nuit, quand on est dans son appartement à elle, en fait, il y a des figurants derrière, enfin des figurants dans l'immeuble d'en face qui dansent. Vous avez pas remarqué ça? Il faut absolument que vous rematiez cette vidéo. Mais si, c'est un truc d'aérobic. Mais oui, un truc d'aérobic. Enfin, genre, il est 3h du matin, il fait nuit, mais il y a des gens qui font de l'aérobic dans l'immeuble d'en face, en fait. Mais donc, ça se trouve, ils voulaient demander aux gens d'éteindre, ils n'avaient pas le code d'en bas. Donc, en fait, il y avait vraiment un truc d'aérobic, ils ont en a rien à foutre de votre Et ce qui m'a fait marrer, c'est vu que toutes les attitudes sont exagérées, du coup elle arrive et elle est en train de se balancer sur sa chaise comme une déglingo, tu sais, genre c'est une psychotique. Attends, en même temps, c'est la femme qu'elle aime, puis elle mouille rire. Oui, mais enfin tu vois, c'est vraiment normal, qui vient de mouille rire. Attends, j'ai cru que ça allait passer à l'aise. Non, mais j'ai cru que c'était une ville du Jura. Ah, c'est mouille rire, elle vient de là-bas, oui. C'est une jurassienne, ça se voit. Elle mange du Mont d'Or. Et moi, alors déjà, il y a quand même un truc à ce moment-là, je me dis, personne ne mène cette putain d'enquête. Et c'est Michael Douglas à qui on a enlevé la plaque, qui s'occupe de tout. C'est lui qui fait les interrogatoires et tout. Et mais les gens n'en ont globalement rien à foutre, en fait, de tous ces meurtres. Ouais. Alors qu'en vrai, tu dois avoir une équipe de 60 personnes. Il y a Gus qui est. Ouais, c'est pas terrible ce qu'il fait quand même. Surtout qu'ils ont aucun sens. À part se mettre des cuites en chapeau de cow-boy. Là, c'est un petit détail, je pense que vous l'avez vu, mais à un moment, il va aux archives chercher un truc. Et c'est Eddie Mitchell qui tient les archives. Mais surtout que pour lui donner le dossier, genre, il y a des milliers de dossiers et il tombe dessus, genre, c'est le premier dossier qu'il ouvre, quoi. Moi, j'adore, je trouve ça toujours fascinant. Ah bah oui, c'est là, regardez, c'est bon. Puis surtout un truc avec un milliard de feuilles dedans, il prend et fait « Oh, mon Dieu !» Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que Roxy, elle a tué ses frères quand elle avait 16 ans. Ouais. Entre Roxy qui a tué ses frères et Hazel qui a tué son mari et ses enfants, à quel moment elles ne sont pas pris la prison à vie, quoi? oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est sûr. Bah, t'es relâché, c'est 2 ans normalement. C'est 1 an par frère. Pour les mineurs. Hein. On accélère un peu la scène de fin. Enfin, la scène de fin. La scène de Gus, là. Gus dans l'ascenseur. Ascenseur très long. On fait que des podcasts sur des ascenseurs très longs. Là, celui-ci, il va au 4e, il met 20 minutes. Bah, comme le tien en même temps. Il s'arrête à tous les étages aussi dans le film-là. Ouais. C'est vrai. Et vous n'avez pas trouvé ça cool que Michael Douglas ait lu un morceau du roman où il allait se passer ce qui se passe en fait dans la scène de l'ascenseur? Genre, vous n'avez pas capté ça? Qu'à un moment, il jette un coup d'œil sur le texte et il y a écrit elevator. Enfin, genre, il se penche sur son coéquipier mort et tout ça. Et en fait, c'est juste qu'il est en train d'arriver 3 minutes plus tard. Moi, j'ai pas fait de l'anglais. Moi, j'ai fait togolais en fait. Ah merde. Mais d'ailleurs, il y a un truc en fait qui c'est un peu dommage, mais en fait, c'est complètement impossible de prévoir ça. C'était Sharon Stone. Non. Si la psy, elle est pas complice, c'est impossible qu'elle prévoie qu'il se retrouve dans un bâtiment où il y a un ascenseur. Mais tout est impossible. Mais pas du tout, puisque la psy, elle peut pas savoir tout ça sur le moment. Mais bien sûr, c'est elle qui les piège après, qui appelle la psy en lui disant viens, il est d'accord. Bah oui, donc c'est possible. Qu'est-ce qui est pas possible? Mais elle peut pas savoir que Michael Douglas, il va laisser son pote y aller tout seul. Bah si, c'est d'être un peu. Non mais tout ce bon, qui. Bon ok, vous voulez. Bon ok, bah non, c'est pas possible. Moi je trouve ça bien vu. Moi je trouve ça bien vu. Il y a quand même des méga incohérences dès le début. Genre tu fumes plus, mais tu veux une clope, je suis sûr que tu vas refumer. Alors après il refume. Tu bois plus, mais je suis sûr que tu vas reboire. Non mais je vais probablement te tuer. Non, t'as pas le droit de me tuer. C'est tout ça, mais... tout le long, elle, c'est chiant. Mais non, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est parce que justement, il y a tout un concept où il lui dit oui, je suis imprévisible, et elle le dit même avant lui, le mot imprévisible. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très. Bon, écoutez, allez, quand on va boire une bière, vous expliquez. Donc, très rapidement, donc, il tue sa copine Bess. Donc là, à ce moment-là, tu sais pas trop, il y a quand même une ambiguïté, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle. Bon, tu sais sa copine. Ah oui, Bess, parce qu'il retrouve, il retrouve son collègue, il faut déjà dire. Miguel, il adorait, mais il s'est arrêté au début du film. Il faut expliquer qu'il retrouve son collègue mort, qui est censé aller retrouver justement. Le suspect dans le bâtiment. Et du coup, il pense que c'est la psy, puisque la psy arrive, enfin son ex, là, et donc il la tue, effectivement. Non, mais faut expliquer ça aux auditeurs, ils vont pas comprendre. Ouais, parce qu'elle met la main dans sa poche pour prendre le petit porte-clé par Simpson. Mais ça, c'est pareil. Ça, franchement, là, je suis mon Greg, mais c'est toujours pareil dans les films. Oui. C'est le mec, t'es braqué par un flingue. Attends, je suis dans ma poche. Et je te dis pas ce que c'est. Attends, je fouille dans ma poche. Oui, bah, tu vois, là, elle aurait pu sortir une banane, un talkie-walkie, tu vois. Ça aurait été trop marrant qu'il sorte un énorme flingue, tu sais. Et donc voilà, et la scène finale, est-ce qu'on la raconte pour gâcher le film aux gens ou pas? Parce sachant que là, on a bien gâché, globalement gâché le film. Hein, mais ouais. Oh non, pour donner envie de regarder le 2, quoi. Alors, là, moi, j'ai trouvé ça ridicule parce que tout le film, Sharon Stone, c'est une nana qui est mystérieuse, que tu peux pas cerner et tout. Et la dernière scène, ça devient un agneau. Mais surtout celle d'avant. Attends, celle d'avant où elle dit non, mais c'est fini, on l'a oublié celle-là. Je peux pas c'est me permettre d'aimer. C'est fini, ton personnage est mort. Elle est toute pincée, tu sais, elle a changé complètement de caractère. Non, mais ton personnage est mort, le livre est fini, machin, elle veut plus lui parler. J'ai trouvé ça. Mais pour moi, elle est comme ça parce qu'elle sait qu'elle va devoir tuer ou qu'elle doit le tuer lui bon. Ou qu'elle doit tuer son coéquipier. Cette émission, je suis pas Laurent Ruquier, mais cette émission n'est pas un débat pour dire si on a aimé ou pas aimé. On est tous d'accord sur le fait que c'est de la merde. Je veux juste revenir sur un détail parce que les deux scènes de sexe, dont la scène finale en fait avec Douglas. On sait pas. En fait, si tu elle fait des gestes, elle laisse croire que elle va choper un pic à glace et en fait non. Après, elle se rabat sur lui. Enfin, ça, fait, c'est dans toute c'est la scène fait. De sexe de surtout, du film, elle le fait au moins 4 fois. Donc au bout d'un moment, qu'elle non, le sort. Mais par contre, c'est trop chiant. Voilà, en fait, elle fait des crises d'asthme. Hein. Moi, ce qui m'a fait rire, mais en fait, je me demande si c'est pas une parodie dans un autre shot ou je sais pas quoi. J'imaginais trop en fait qu'elle attache Mel Gibson. Arrête avec Mel Gibson. C'est dans le shot 2 où elle prend le tournevis et où elle. J'imaginais en fait qu'elle chope une plume sous la couette et qu'elle lui fasse des chatouilles sous les aisselles, tu sais. Oui. Et donc voilà, la scène finale, c'est on sait pas trop si c'est elle ou pas elle, et puis il y a un plan qui descend, il y a un pic à glace, donc c'est elle. Voilà, je vous ai gâché le film. C'est elle, mais elle est un peu amoureuse, donc elle va peut-être pas le tuer. Mais attends, c'est vraiment elle, parce que quand même. Oui, moi j'ai compris que c'était elle. Oui, c'était elle. Parce que la psy, elle a aussi dans son appart plein de trucs qui peuvent faire croire que c'est elle. Ouais, mais en fait, c'est sous-entendu que ça a été tout piégé par Sharon Stone. Mais moi, je trouve ça vraiment cool. En plus, ça se finit par une conversation genre on va vivre heureux, on va baiser, on va vivre heureux, on va avoir des enfants. C'est le petit castor. Ouais. Ouais, et elle dit moi, je veux pas, enfin, j'aime pas les enfants. Et il fait ok, on va juste baiser et ça sera cool. Donc en fait, baisons et vive les pics à glace, quoi. Enfin, sachant que ça se trouve, il lui aurait dit mais si faisons des enfants, elle l'aurait buté comme un malpropre. Ouais, mais bon, le truc, c'est qu'à mon avis, tu vois, si sur un petit truc comme ça, si sur un petit bail comme ça, genre elle hésite à le tuer. Après, je pense que le mec, il est pas serein. Tu vas faire les courses? Ouais, j'ai un peu la flemme. Blam. Ça, t'as quand même un pic à glace de Damoclès sur la tronche jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Un pic à glace, mais... dangereusement. C'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les tours de cul. Tout le monde en a un. Alors, commentaire 5 étoiles et 0 étoiles. J'en ai un 0 étoiles, quand même. Cool. Sur Basic Instinct. On commence par Benoît Schmitt, qui nous dit, de manière très courte, excellent film avec une révélation de points, Sharon Stone, et pas que pour son cul. Très bien. Merci, monsieur Schmitt. Mais j'ai même pas compris sa phrase. Excellent film avec une révélation de points, Sharon Stone, c'est la révélation du film, et pas que pour son cul. Ouais. Alors, c'est une phrase nominale. On a Aiming Wings. Qui nous dit le plus grand thriller des années 90 avec Seven et Le silence des agneaux. Et accessoirement, à l'origine de mes premiers émois adolescents, entre parenthèses. Ah, Sharon. Alors, on a Chemical, qui porte bien son nom. Il dit le meilleur film que je connaisse. Déjà, bon, film culte, un cadeau du 7e art. Que dire sinon que les malheureux qui ne l'ont pas vu ne sauront jamais pourquoi tous ceux qui l'ont vu, excepté 1. Les féministes avant-gardistes has-been, 2. Les gamins qui l'ont vu avant l'âge, 3. Les pros anti-états-uniens. Les 4 et les sceptiques acerbes introvertis ont tous trouvé qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre, ce qui est vrai. Il avait appris plein de nouveaux mots ce jour-là. Je pense qu'il voulait les visiter. C'est le gars qui a le calendrier des mots. On a Organzia qui nous dit enfin un thriller érotico-sulfureux qui a du poil de la bête. Quoi? Sharon Stone tient là son plus beau rôle. Elle, diabolique, est d'une beauté à tomber par terre. Quel mal de décrocher l'œil de l'écran, j'en perds ma tête. Et Douglas aussi. Le scénario est très palpitant, une scène qui tape. Celle dans la boîte à voir à tout prix. L'interrogatoire au poste de police est culte. C'est pas celle-là qui tapait. Oui. Après un décroisé de jambes de Sharon, tu la bave aux lèvres. Et enfin un commentaire 0 étoile. Ah. C'est Kino 177 qui nous dit... Ce film est une pure daube. Mais vous allez dire, ouais, c'est pas si nul, hein. Vu que le film a fait plus de 100 millions de dollars, et ben moi je réponds, le film a été un succès à cause du cul de Sharon Stone. Car si vous demandez à quelqu'un ce qu'il a retenu du film, il vous dira, oh, bah, hein, la fameuse scène de boule entre Sharon Stone et Michael Douglas. Et ben voilà, c'était notre avis sur le film et celui des autres. Quant à nous, il est l'heure de tirer au sort. Alors, je rappelle rapidement les bails du chapeau. Attends un instant. On a mis des films dans ce chapeau. Si vous voulez ajouter vous-même votre film, vous allez sur iTunes et vous laissez le titre du film en commentaire. Greg, c'est pas la peine de me casser les couilles. C'est horrible. Quant à nous, on va tirer deux films. Et moi, je meurs d'envie d'en tirer. Car en fait, nous allons tirer deux films toutes les deux semaines, ce qui est plus simple. Voilà. Et si vous voulez pas écouter le tirage, on va plus trop parler du film maintenant, donc vous pouvez nous quitter déjà. Au revoir. Voilà. À plus hein, pour ceux qui sont maintenant. Alors, je mélange et je vais faire. Qu'est-ce qu'on va faire là, Julie, t'as tiré déjà la dernière fois. Oui, je vais faire tirer à Greg. Ouais. Pour le premier. Je le sens mal. Hein. Ah, je sens l'enfer sur terre venir. Basic Instinct. Wow, oh, Highlander. Génial. Je l'ai jamais vu. Et je vais faire tirer le deuxième. Bon bah, Mickaël. Ah. Oh putain, il embarque ce show. Alors, Terminator 3. Oh, oh voilà. celui-là, je l'ai vu et j'ai pas passé un mauvais moment. Je crois qu'il est pas terrible, mais je crois que ça se regarde. Moi, ça tombait bien, j'avais envie de le revoir. Bon bah voilà, hein. C'est ce qu'il nous reste à faire. Hein. Donc si vous voulez savourer 2 heures de perdu comme il se doit, je vous conseille de regarder ces deux films. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Highlander. Ouais. Allez, à la semaine prochaine. Salut.